Valérie Levé au micro de Futur Simple sur CKRL 89.1. Et si je vous parle de civilisation numérique, vous en percevez certainement les ingrédients, par exemple les réseaux sociaux, la multiplication des données numériques, l'intelligence artificielle. Et souvent, cette civilisation numérique vient avec son lot de promesses et on laisse de côté la face cachée. Pour découvrir les dessous de la civilisation numérique, je vous invite à lire le livre qui s'appelle « Promesses et mirages de la civilisation numérique » qui est paru dernièrement aux éditions Libère. Et pour vous en donner un avant-goût, bien nous allons en discuter avec son auteur, qui est Jean-Paul Lafrance. Il est professeur et fondateur du département des communications à l'Université Laval, à l'Université du Québec à Montréal, pardon. Et il est aussi au téléphone avec nous. Bonjour, Monsieur Lafrance. Bonjour, Madame. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on commence par décrire un peu mieux cette civilisation numérique et plus particulièrement, en fait, l'économie qui en découle, qui se développe à partir de toutes ces technologies numériques. Par exemple, vous utilisez dans votre livre le concept de capitalisme cognitif et d'utilisation de nos données pour produire des produits qui sont à notre goût, qui nous ciblent particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept? Oui, alors, on appelle ça de différents noms, économie contributive, en ce sens que c'est nous qui contribuons avec le producteur parce que nous donnons nos données. Alors, on appelle ça le capitalisme cognitif aussi, parce qu'évidemment, c'est de l'information que l'on échange. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, évidemment, nous laissons des traces partout où nous passons. Combien de fois allons-nous sur Internet pour n'importe quoi, si vous voulez, et à chaque fois, ben nous laissons nos traces. Vous vous promenez à Montréal, il y a des caméras de surveillance partout maintenant, ou de plus en plus. Et encore des traces que nous laissons. Quand nous achetons, on essaie par tous les moyens de nous demander notre nom, notre mail, notre numéro d'assurance sociale ou notre adresse. Mm-hmm. Alors, nous, on essaie d'aller plus loin. On nous demande ce que nous pensons de ceci, de cela. On nous demande de voter pour j'aime, etc. Mm-hmm. Toutes ces données-là sont capté par des compagnies que vous connaissez très, très bien, qui s'appellent Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAM. Mm-hmm. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces données-là? Bon, évidemment, ils vous font un profil. Donc, ils finissent avec très peu de données finalement vous faire ce qu'on appelle un profil. Et alors, on peut ensuite vous entraîner dans toutes sortes d'opérations. Bon, si vous achetez sur Amazon, très rapidement, on vous dit, vous avez acheté tel livre, vous pourriez acheter tel mm-hmm. livre qui ressemble. Bon, et le reste, là, on est piégé partout. On reçoit donc des propositions d'achat, de consommation, ciblées sur notre profil, finalement. Exactement. Exactement. Alors, le problème, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de vivre ce qu'on a appelé le scandale Facebook. Mm-hmm. Le scandale Facebook, c'est une chose qui devait arriver. Tout le monde savait ça. Pas tout le monde, mais beaucoup de spécialistes savaient ça, que ça allait arriver et que ça allait continuer à arriver, c'est-à-dire avec des faux questionnaires. Il y a une compagnie Facebook a vendu ses données à une compagnie qui en a fait tout ce que vous voulez mm-hmm. savoir, c'est-à-dire qui ont fait passer le président Trump ou qui a fait passer le Brexit qu'on appelle, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de la communauté européenne. Mm-hmm. Alors voilà un peu quelle est la chose. Alors, il y a un concept qui est extrêmement important, c'est le concept de plateforme qu'on commence à employer de plus en plus. Quand vous utilisez Uber, par exemple, ou bien Airbnb, mm-hmm. vous allez sur la plateforme. Uber, vous ne parlez pas à la compagnie. Vous parlez à la plateforme qui a été faite par la compagnie et qui vous donne toute une série de comment faire pour avoir un taxi, où aller le chercher, combien le payer. Et alors, tout le monde est abonné à cette plateforme-là, autant les travailleurs que les utilisateurs, que tout le monde qui fait du transport. Alors voilà, on appelle ça une plateforme. Ce qui signifie que maintenant, le net, l'Internet est complètement privatisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez sur Internet, vous arrivez, vous aboutissez sur une plateforme. La plateforme, elle peut appartenir à Facebook, à Google, à Apple, à Amazon, à Microsoft. Elle reste. Voilà. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas pour ce genre d'application des technologies numériques, donc c'était qu'on appelle un peu l'économie de partage ou collaborative. On partage avec. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques avantages? Avec Apple, Facebook, elle reste. Mais est-ce qu'il n'y a pas. Sauf que c'est eux qui font les profits, c'est pas nous. En fait, vous parlez même de désintermédiation, c'est-à-dire que dans ces économies de partage, vous dites que les intermédiaires ont disparu, mais d'un autre côté, que d'autres ont récupéré ces intermédiaires et en tirent tous les profits. Exactement, mais regardez, puisque nous parlons d'Uber, c'est quoi? Elle est en train, Uber, la compagnie, elle est en train de complètement mettre à mal les compagnies de taxi, si vous voulez, et ça se fait d'une façon complètement différente. Et alors, c'est la même chose pour mille et mille activités. Maintenant, évidemment, quand vous voulez avoir de la musique, un livre, une œuvre culturelle quelconque, vous allez sur Internet, dans des sites comme YouTube ou et tous ces trucs-là, et vous commandez directement ou vous obtenez directement ça. Alors, vous n'allez plus à votre libraire, vous allez sur Internet et vous y allez de plus en plus. C'est la même chose pour Amazon, par exemple. Amazon est en train de vider pratiquement les centres-villes. Pourquoi? Parce que à la limite, on va voir ce qui se passe quand on achète, quels sont les prix qui sont annoncés pour des frigidaires, des poêles ou des ordis. Mais finalement, nous commandons parce que c'est moins cher. Puis avec, en même temps, donc c'est là qu'il y a cette désintermédiation parce que les libraires vont disparaître, par exemple, ou d'autres magasins, mais une récupération de cet intermédiaire par Amazon et autres. Et vous avez un moment, vous parlez à un moment donné dans votre livre aussi que même il y a eu un changement dans la nomenclature. Par exemple, avec Uber, ce ne sont plus des chauffeurs, mais on ne parle plus d'embauche, mais d'enrôlement. Et quand on veut licencier ou mettre finalement se débarrasser du chauffeur, on le désactive. Ben oui, mais ce qui arrive, c'est que les mots sont assez forts quand même. Les chauffeurs ne font plus affaire à une compagnie. Ils ne sont plus engagés par une compagnie. Ils sont engagés par un logiciel, une plateforme qui leur fait signer un contrat qu'ils doivent pas lire à moitié du temps parce que ça prend un avocat à côté de soi pour comprendre ce qu'ils disent. Et finalement, si au bout de, par exemple, 3 refus, ils vous envoient dehors, ils vous paient pas de pension, ils vous paient pas de si vous avez un accident, ben c'est vous qui vous débrouillez avec ça. Donc c'est une déshumanisation absolument complète du travail dans ce cas-là. Ça vient avec une précarisation exactement, du travail. Exactement, parce qu'on raconte aux pauvres chauffeurs qu'ils sont des travailleurs autonomes. Mais ils sont des travailleurs autonomes, en ce sens qu'ils payent tout. Ils payent leur voiture. Ils n'ont pas de pension de vieillesse. Ils n'ont pas ils n'ont pas ça. C'est l'État qui doit se débrouiller avec ça maintenant, avec des travailleurs. Fragilisé. Mais cette précarisation de l'emploi n'est pas le propre non plus du numérique, parce qu'il y a plein d'autres branches Mais pourquoi? Parce que ce qui se passe, évidemment, dans le numérique, c'est que de plus en plus, on automatise. Autrefois, on avait une économie de produits matériels. Bon, là, ça allait. Maintenant, on a une économie de services. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est à peu près ceci, si vous voulez. De plus en plus, on va précariser le travail. En ce sens que certains disent, « Ah, c'est pas grave, on va créer de nouvelles jobs. » Oui, des nouvelles jobs d'ingénieurs, d'informaticiens, mm-hmm. des trucs comme ça. Mais celui qui conduit un camion, ben, ça va être assez compliqué de lui donner un diplôme en informatique de gestion. Mm-hmm. Donc, on voit un peu les dessous, finalement, de cette économie numérique. Et dans une autre partie de votre livre, vous abordez aussi les maladies du numérique, les maladies de l'âme, comme vous les appelez, parce que finalement, ce contact permanent avec les technologies numériques nous confronte à une quête de la performance, de la vitesse, et nous fait adopter ce que vous appelez des attitudes désobjectivantes. Oui, alors voilà, ça c'est la deuxième partie du livre, et j'y tiens beaucoup parce que très souvent on ne parle que de la première partie. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe dans l'économie, bon, dans le travail, alors c'est le reste. Le problème, c'est que dans le numérique, il se passe autre chose, et c'est chez les individus. On a tendance à dire, si vous voulez, c'est-à-dire que les individus, il y a de plus en plus d'individus qui se sentent mal dedans. Hein, en ce sens que, finalement, c'est la machine qui mène, et elle fonctionne au niveau de la nanoseconde. Nous, on n'est pas capable de fonctionner avec la nanoseconde. Alors, le travail est devenu performance. Mm-hmm. Alors, les travailleurs sont de plus en plus en burn-out, mm-hmm. tout simplement, ou sont obligés de quitter leur travail parce qu'ils ne suivent plus, mm-hmm. simplement. Bon, c'est la même chose. Les enfants, c'est autre chose. Les enfants, eux, ils sont complètement... Je parle les enfants plutôt, les ados, mais en tout cas mm-hmm. dans cette catégorie d'âge-là, ils sont scotchés, comme on dit, à leur petite machine qui s'appelle un téléphone intelligent. J'ai pas besoin de décrire mm-hmm. ce que tout le monde connaît. Vers 13 ou 14 ans, vous êtes pratiquement plus capable de leur parler parce qu'ils sont toujours en train de jouer, de consulter Internet. Alors, ça crée évidemment des choses extrêmement importantes, et ça, à tous les jours, nous connaissons du monde des enfants ou des adultes qui ont des problèmes avec cela. Mm-hmm. Alors, et moi, ce que je dis, et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, il faut absolument que l'individu, que le entre guillemets, le consommateur, le citoyen et le reste, se ressaisissent mm-hmm. et essaient de se sortir de ces maladies du numérique. Moi, j'ai tendance à dire, on est entre burn-out ou addiction, c'est-à-dire mm-hmm. entre, si vous voulez, ou bien non, on cède, si vous voulez, au rythme infernal de la machine, ou bien donc, on devient des super performant, mm-hmm. si vous voulez, on travaille tout le temps. C'est ça, en fait, vous dites à un moment donné, vous écrivez, en fait, on devient hyperactif ou dépressif, que la dépression et l'hyperactivité sont comme l'avers et le revers de la même médaille. Exactement, c'est-à-dire que, évidemment, si vous décidez de performer, ben, vous travaillez comme un fou. Mm-hmm. Ouais. Ou comme une folle, et finalement, ben, au bout de quelques temps, ben, vous craquez parce que mm-hmm. La machine n'est pas faite. Mm-hmm. Le corps vous avertit que ça fonctionne. Ouais, ouais. Il faut quand même constater que le numérique n'est pas là pour disparaître et qu'il va falloir trouver des moyens de guérir oui, de ces maladies de l'âme. Que les oui, gens retournent en eux-mêmes parce que toutes ouais. ces activités-là, on dit... ça désubjectivise, mm-hmm. si vous voulez. Ça vous enlève votre identité, votre mm-hmm. subjectivité. Et moi, ce que j'ai fait dans ce volume-là, je suis retourné à la philosophie ancienne, à la philosophie grecque, mm-hmm. d'il y a 2000 ans, et plus, avant Jésus-Christ, si vous voulez. Mm-hmm. Et mm-hmm. où les philosophes n'étaient pas des gens qui faisaient des grandes théories sur le sexe des anges, mais ce qu'ils faisaient, c'est que finalement, c'était essentiellement une morale pour permettre aux gens de fonctionner. Mm-hmm. Alors, à cette époque-là, les problèmes étaient probablement pas si différents de nos problèmes à l'heure actuelle. Ils n'avaient pas Internet, mm-hmm. Facebook et le reste, mais ils avaient toutes sortes de choses qui faisaient qu'ils mm-hmm. étaient obligés. Alors, ces philosophes-là, c'était des maîtres, si vous voulez, qui essayaient de d'aider, évidemment, aux individus par toutes sortes de techniques qu'ils ont inventées. Monsieur Lafrance... La méditation, les idées, ça. Et je fais une analyse de ça. Monsieur Lafrance, on va devoir lire tout ça dans le livre parce que c'est tout le temps qu'on a. On doit passer en pause publicitaire. Mais donc j'invite les auditeurs à lire votre livre, donc, dont je rappelle le titre, Promesses et mirages de la civilisation numérique, qui est paru aux éditions Leclerc. Donc, je vous remercie, Monsieur Lafrance, de nous avoir mis l'eau à la bouche pour nous inviter à lire ce livre plus en profondeur. Je continue. Il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite. Puis je rappelle également que vous êtes professeur et fondateur du département des communications à l'Université du Québec à Montréal. Merci, Monsieur Lafrance. Merci. Au revoir. Et du numérique, on va passer au tramway. Peut-on dire que du tramway, que c'est un moyen de transport vert? Eh bien, nous verrons la réponse avec Yvan Dutille après cette pause publicitaire.